France Inter. François Morel, à vous. Internet est l'école de l'humilité. Les articles qu'on y lit sont rarement des perles littéraires, mais s'il y a une figure de style qui est bannie, c'est la répétition. Sur Internet, on déteste la répétition, on a horreur de la répétition, on est extrêmement vigilant concernant la répétition. Alors on use de périphrases, parce que quand on déteste la répétition, la périphrase est extrêmement pratique. Quand on a déjà nommé Clémenceau, on peut dire le père la victoire. Quand on a déjà cité le général de Gaulle, on peut dire l'homme du 18 juin ou le fondateur de la 5e République. Quand on a déjà mentionné mon nom, on peut dire l'ex des chiens ou la splendeur de la matinale ou le soleil du vendredi ou le virtuose des chroniqueurs. Je vous donne des exemples de personnages historiques et incontournables pour appuyer solennellement mon propos. Je lisais un article sur Éric Orsenna. Afin de ne pas répéter son nom, celui-ci était désigné comme l'ex de Sophie Davant. Vous vous demandiez comment définir Éric Orsenna, c'est l'ex de Sophie Davant. Voilà un garçon, Éric Orsenna, qui est quand même diplômé de l'Institut d'études politiques, docteur en sciences économiques, chercheur, enseignant, universitaire, écrivain, conseiller d'État, conseiller culturel de François Mitterrand, prix Goncourt, membre du Haut Conseil de la Francophonie, de l'Académie française, de l'Académie nationale de pharmacie, de l'Académie Alphonse Allais, docteur honoris causa, de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Liège, sans compter homme du monde, si ça se trouve, bouliste, cycliste, jardinier, cruciverti, chanteur de salle de bain, champion de belote coinchée, mais sur Internet, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il est l'ex de Sophie Davant. Mais alors, bon sang de bonsoir, vous interrogerez-vous avec ce goût pour l'élocution un peu désuète qui vous caractérise, comment différencier Éric Orsenna de Pierre Sled, qui mérite également le titre de ex de Sophie Davant, nom d'un petit bonhomme en sucre. C'est compliqué. C'est pourquoi, à mon avis, concernant Éric Orsenna, plutôt que de convoquer une périphrase qui risque d'apporter la confusion, ce n'est pas plus mal d'utiliser son nom, Éric Orsenna. Éric Orsenna, Éric Orsenna. Quitte à ce qu'on vous reproche de trop répéter le nom d'Éric Orsenna dans une chronique dont le sujet principal est quand même Éric Orsenna. Éric Orsenna vient de publier un livre qui s'appelle « Histoire d'un ogre ». L'ogre, c'est Vincent Bolloré. Je ne sais pas si c'est une périphrase, mais c'est drôlement envoyé. L'ogre est celui qui dévore tout, qui bouffe tout, qui s'accapare tout, profiteur, nécrophage, détrousseur de cadavres. Ça sort chez Gallimard qui, ça tombe bien, ne fait pas partie du groupe éditiste qui appartient à Vincent Bolloré. Vous voulez que je vous dise, afin de ne pas le confondre avec Pierre Sled, ne dites plus l'ex de Sophie Davant quand vous périphraserez Éric Orsenna, dites le punk en habit vert. Merci François Morel.